Henri de Rochefort, Lucet, Les Dépravés, chapitre 10. Houzelot était enchanté d'avoir, sur le conseil de Mathusem, levé le lièvre de la famille et mis cette puce à l'oreille de Maximilien. Tandis que celui-ci battait les buissons, il résolut d'ouvrir à son tour une contre-enquête sur les origines et les premières années de la maîtresse de son fils. Dans sa conversation avec celle qu'il appelait la petite, pour se dispenser de la qualifier à sa valeur, il avait relevé sur son carnet le nom et l'adresse de Madame Bachelard, la maîtresse fleuriste. Il se rendit de sa personne chez cette négociante et resta passablement désappointé devant les éloges qu'elle prodigua à Geneviève, qui fournissait à la fois les modèles de ses plus jolies fleurs et ceux des plus hautes vertus commerciales. « Mais sa moralité, demanda Houzelot, n'aviez-vous jamais constaté quelque incartade jusqu'au jour où elle a quitté définitivement votre maison ?»« Je vais vous expliquer, répondit Madame Bachelard. Sur cet article-là, dans notre état, nous sommes obligés de fermer les yeux. Si nous nous mettions à exiger que nos ouvrières se tiennent, nos magasins seraient fermés au bout de 15 jours. Mais enfin, madame, vous n'avez aucune raison de supposer que la conduite antérieure de Mademoiselle Geneviève, aucune. Mais celles qui l'ont connue ici pourraient vous en dire plus long que moi à cet égard. Clémentine, par exemple. » Tandis qu'un homme pour un oui, pour un non, s'écrie, en parlant de la première venue, « Je mettrai ma main au feu qu'elle est pure. » Une femme, même honnête, même bien intentionnée, hésitera toujours à répondre de l'innocence d'une autre, ce qui prouve que tout en médisant des femmes, nous les estimons encore plus qu'elles ne s'estiment elles-mêmes. « Et cette Clémentine, où pourrais-je la rencontrer ?» dit Houzelot. « Elle était apprentie chez moi, mais elle nous a quittés depuis longtemps. Elle s'est décidée à se mettre au théâtre. Elle joue maintenant à la salle de la Tour d'Auvergne. Vous aurez là son adresse. » « Mauvaise fréquentation, pensa Houzelot. Voilà une amie qui doit avoir quelques bonnes révélations à nous vendre. Il faudra que j'aille rôder de ce côté-là. » 3 jours après, le docteur, muni des indications nécessaires, sonnait à la porte de l'appartement occupé, rue Richelieu, au 3e sur la cour, par la sémillante élève qui, depuis 5 mois déjà, avait déserté les fleurs pour aller rebondir sur les planches raboteuses du théâtre des jeunes artistes. Lorsqu'une adolescente, après avoir reconnu que le travail n'est pas dans ses mœurs, se promet d'entrer dans une carrière inavouable, quand ses aînés n'y seront plus, le premier pavillon qu'elle songe à placer sur sa marchandise, c'est le titre d'artiste dramatique. Supposons qu'après des alternatives d'eau claire et de champagne, de perdreaux truffés et de pommes de terre frites, elle se voit obligée de répondre à une assignation de son bijoutier ou de sa couturière. La question que lui posera tout d'abord le président du tribunal est celle-ci. Avez-vous des moyens d'existence? C'est alors qu'elle peut clouer sur sa chaise curule l'indiscret magistrat par cette réponse. Oui, monsieur le président, je suis artiste dramatique. Et si le juge, persistant dans son ironie, ajoute « À quel théâtre appartenez-vous ? » Elle a le droit de répliquer « Au théâtre de la Tour d'Auvergne. » Et devant les sourires narquois du tribunal, aucune autorité ne l'empêche de tirer de sa gorgerette un billet de répétition et de le soumettre à l'expertise du ministère public. Cette qualité évidemment aléatoire équivaut désormais pour elle à un permis de circuler. Elle n'est engagée nulle part, elle l'avoue, mais elle attend tous les jours, chez elle, de 2 heures à 5, les propositions de messieurs les directeurs, fussent-ils de province ou de l'étranger. Elle est en pourparler avec l'Odéon, le gymnase ou la Porte Saint-Martin, et c'est en attendant que les négociations aboutissent qu'elle se décide quelquefois à combler par 2 ou 3 fils de famille le déficit dû à la fréquence des mortes saisons. L'art est sa vie. La galanterie ne fait que les intérims. Seulement, ces intérims durent d'ordinaire 20 ans, après quoi art, galanterie et théâtre sont mis le même jour sous la remise et remplacés par l'ouverture d'une table d'hôte au Batignolles, rue des Dames. Telle était la façon dont Clémentine, tombée au bras de celui que ses ex-camarades du magasin appelaient son vieux reconduiseur, entendait pratiquer la profession où se sont illustrés Molière et Mademoiselle Mars. Aussi, la camériste qui ouvrit au docteur l'annonça-t-elle en ces termes, qui n'avait rien de précisément artistique, « Madame, un monsieur décoré !» Et presque aussitôt, Après avoir enjambé le demi-mètre de parquet qui servait d'antichambre, le père de Max se trouva dans une chambre à coucher carrée où la cretonne à fond jaunâtre et à fleurs bleues, dessin cachemire, jouait un rôle non pas seulement prépondérant, mais exclusif. Un canapé à accotoir, recouvert de ladite cretonne, faisait face à une cheminée dont la tablette rivalisait de cretonne avec le baldaquin et les rideaux du lit, ceux des fenêtres, les tapisseries des murs également en cretonne plissée. En y ajoutant le plafond, tendu d'une nappe de cretonne, tuyautée, en comète, chaises et fauteuils étaient aussi de cretonne cretonnante, on devinait que le dispensateur de ces draperies avait mis tous ses œufs dans le même panier. Et il s'était évidemment dit « J'offrirai la cretonne. J'en offrirai tant qu'on voudra, mais je ne m'offendrai pas d'une autre étoffe. » La pendule en onyx algérien, bijou disparate, qui semblait taillé dans un morceau de charcuterie, était flanquée d'un assortiment non de bronze, mais de bronzillons, qui brûlait d'envie d'appartenir à la statuaire et qui sortait à peine du bibelotage. Ces deux enfants entrelacés qui s'étiolent à la devanture de tous les papetiers de luxe, cet amphore qui est de Pradier, et cette Vénus dormant dans une coquille entr'ouverte qui n'aide personne. Pour achever de déshonorer cette réduction du musée, ou plutôt ce musée de réduction, aux extrémités de la tablette, ces deux éternels carlins en saxe moderne, et tellement vernis qu'on les supposait mouillés. Le tout paraissant gagné au billard anglais dans les enivrements de quelques fêtes patronales. La déesse de cette collection fit alors son entrée. Bien que 2 heures de l'après-midi eussent sonné depuis quelques instants déjà, elle était encore en peignoir de percale blanche et chaussée de pantoufles vertes dominées par des rosaces gris mastic. C'était bien la Clémentine de la rue Saint-Roch, mais l'espiègle avait fait passe à l'effrontée. Ses cheveux dénoué comme par mégarde, tombait d'un bloc sur son épaule gauche qu'il couvrait en partie. Elle feignait pour les relever des efforts inutiles. « Je vous demande pardon, monsieur, dit-elle, de vous recevoir en costume de nuit, mais le théâtre a fini hier après 1 heure, et je jouais dans la dernière pièce. Je me lève à l'instant. »« Croyez, madame, répondit Ousselot, en s'asseyant sur l'invitation de Clémentine, que je ne me serais pas permis de venir vous surprendre si matin. » Si je ne savais qu'il n'y a d'heure ni pour les braves, ni pour les artistes. Cependant, si j'étais cause du moindre dérangement... » Le mot artiste flatta l'ex-apprenti, tout en lui indiquant qu'il ne s'agissait probablement pas d'une affaire de cœur. « Parlez, monsieur, dit-elle, avec un grasseillement subit tant le sens était « Tu m'as appelé artiste, vois à quel point je le suis. Parlez, nous avons tout le temps de causer. Ce que j'ai à vous demander, d'ailleurs, n'intéresse que moi. » « N'avez-vous pas connu et fréquenté autrefois, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 mois au plus, une jeune ouvrière fleuriste nommée Geneviève ?»« Geneviève ? Mais très bien, mais beaucoup. Je la voyais tous les jours dans le magasin, où j'allais avant d'entrer au théâtre. »« Eh bien, mademoiselle, je vous serai sérieusement reconnaissant, » reprit Ousselot, en donnant au mot « sérieusement » une signification métallique, si vous pouviez me fournir quelques éclaircissements sur ses habitudes, ses manières d'être, son caractère et surtout son passé avec preuve à l'appui. Voilà un homme riche et décoré qui s'occupe d'elle, pensa Clémentine, émoustillée par une jalousie instinctive. Mon Dieu, monsieur, fit-elle, vous n'attendez pas de moi que je raconte rien qui puisse nuire à la position d'une ancienne camarade qui a été pendant longtemps mon inséparable. C'est que moi, voyez-vous, je ne suis pas comme tant d'autres, une amie, c'est sacré. Clémentine, supposant Geneviève en bon chemin, jugeait pratique d'appuyer sur leurs relations antérieures, sans oublier de réserver quelques parenthèses à l'usage de son propre éloge. « Ne me cachez rien, madame, je vous en prie, » interrompit Ousselot. « Il s'agit pour moi des plus graves intérêts de famille. Si vous savez quoi que ce soit, parlez. Ce que je sais, tout le monde peut le savoir, qu'elle est sortie de son magasin pour se mettre en ménage avec M. Ousselot, le fils du riche docteur Ousselot. Je connais. Le docteur Ousselot, c'est moi. Comment ? Vous êtes le père de M. Maximilien ? « Oui, et c'est parce que, non content de vivre avec votre amie Geneviève, mon fils s'est déclaré décidé à l'épouser. » que je viens prendre des informations sur elle. Votre fils épousait Geneviève, s'écria Clémentine, hors d'elle, en laissant tout grasseillement de côté. Oh, ça non, ce serait trop fort. Je vois que ce mariage n'excite pas précisément vos sympathies, dit Ouzelot. C'est que non, voyez-vous, je suis bonne camarade. Oh, ça on ne peut pas dire, je suis très bonne camarade. Mais pensez qu'elle va se trouver mariée, mais vraiment mariée, à l'église, à la mairie, partout, et richement, et avec un jeune homme si bien, et qu'elle a trouvé son affaire à la première rencontre, lorsque tant d'autres qui valent autant, qu'elles sont obligées de trimer pendant des années comme des mercenaires, avant de mettre la main sur quelque chose de potable, non, le bon Dieu ne serait pas juste. Ce que vous ignorez, je le vois, c'est que Maximilien avait voulu rompre, et qu'en se voyant abandonnée, elle a perdu la tête et s'est jetée par la fenêtre. Mon fils, alors, a fait le vœu d'en faire sa femme, si elle survivait. En effet, j'ai lu son suicide dans le Constitutionnel il y a 4 jours. Mademoiselle G., ouvrière fleuriste, c'était donc Geneviève. Hein, hypocrite, avec sa simagrée, elle a trouvé le moyen de faire parler d'elle dans les journaux. Tandis que moi, je n'ai pas pu encore attraper seulement un pauvre petit bout d'article. Le docteur essayait d'arrêter par quelques paroles d'apaisement le cours de ses récriminations vertigineuses, mais Clémentine était déchaînée. Les leçons de maintien qu'elle recevait sur la scène de la Tour d'Auvergne étaient allées rejoindre les leçons de beau langage. Elle levait les bras au ciel comme pour mettre ses droits méconnus sous la protection de celui qui voit tout. Elle laissait le cortège de son peignoir s'entrouvrir par saccades et ne songeait même pas qu'il lui suffit d'une épingle pour en réparer les indiscrétions. « Et quand on pense, s'écria-t-elle, que c'est ce vieil imbécile de Carbonel qui a fait ce mariage, pour ainsi dire à lui tout seul, et que j'étais à ses choses pour l'en récompenser. Je ne me moque pas qu'il m'ait mis dans les meubles, qui ne sont pas à mon nom. J'aurais mieux aimé manger du pain noir toute ma vie et qu'un pareil malheur n'arriva pas. Mais voilà, j'étais trop bonne. Je suis trop bonne. C'est mon seul défaut. J'ai voulu rendre service à monsieur votre fils. Et c'est Geneviève qui en profite. Oh, j'empêcherai ce mariage. Je l'empêcherai quand je devrai écrire à l'empereur. Vous n'aurez pas besoin d'aller si loin, dit Ouzelot, saisissant la balle au bon. Vous pensez bien que dans ma position, ce mariage me répugne autant qu'à vous, ce qui n'est pas peu dire. Mais comment allons-nous nous y prendre? Je vais répandre partout des horreurs contre elle. D'abord, quand j'étais au magasin, il m'a disparu une paire de ciseaux. Je suis sûr maintenant que c'est elle qui me les a pris. Si vous n'avez pas d'autres histoires à raconter. Et puis, est-ce que Carbonel n'est pas là? C'est lui qui a fait le mal. Il faut qu'il trouve le remède. D'ailleurs, vous ne connaissez pas Carbonel. En voilà un qui n'est pas embarrassé. Il sera ici dans 1 heure. Dieu, quelle scène je vais lui faire. Avez-vous le temps de l'attendre? Pas aujourd'hui, chère madame, se hâta de répondre le docteur, qui voulait bien utiliser ce Carbonel pour la réussite de ses plans, mais qui ne tenait pas à se trouver entière avec lui dans la chambre à coucher d'une cabotine. Dressez vos batteries sans moi et ne manquez pas de me tenir au courant de tout ce qui surviendra de nouveau. De mon côté, je vous avertirai. Voici toujours mon adresse. Ouzelot, rue Louis-le-Grand, au 23. Clémentine écrivit l'adresse, bien qu'elle la connût parfaitement, et se leva pour accompagner le docteur, à qui elle fit, en le quittant, sa révérence des grands jours. Fin.